bon lu jëm ci tay tay amna tay bu nga xamanteni DOMS DOMS la tudd bobu 50 pièces la ben bu nek 40 francs la diké la nga diké tay DOMS 50 pièces 40 francs la nga diké amma benen bi nga xam moy tay made in Chine mu nek ci boîte bu ndaw ni deux boîtes yu ndaw bobu nonu 20 francs la nga diké bobu nonu 20 francs la nga diké bobu 72 mo nek 72 pièces 72 pièces diké mo 20 francs yoy moy ñaari façon tay 50 pièces ak 70 pièces DOMS bi 40 francs CFA mais benen bi 20 francs CFA.